Dès que les rois de France ont cessé d'épouser leurs sujettes pour prendre épouse dans les maisons étrangères, il était logique qu'ils se tournent vers les Habsbourg. Un roi de France devait, si possible, épouser une princesse de son rang, l'un des tout premiers en Europe, ce qui limitait le choix. Après le schisme protestant, il devait en outre choisir une épouse catholique. Les choix étaient donc restreints pour les héritiers du trône. La branche aînée des Habsbourg, celle d'Espagne, maria deux infantes au roi de France au XVIIe siècle, Anne d'Autriche à Louis XIII et Marie-Thérèse d'Autriche à Louis XIV. Après l'extinction de cette branche avec Charles II et la venue sur le trône d'Espagne d'un Bourbon avec Philippe V, la prééminence revint aux Habsbourg d'Autriche qui, depuis la séparation des deux branches, n'avait cessé de multiplier les alliances espagnoles. L'archiduchesse Antonia, Marie-Antoinette, fut ainsi promise au dauphin Louis, le futur Louis XVI. Des trois mariages envisagés avec la maison d'Autriche, les deux premiers concernent l'Espagne et le troisième l'Autriche. Il s'agissait d'alliances importantes, de par l'ancienneté et le prestige de la maison d'Autriche, mais aussi du fait de la puissance des États concernés. Si le XVIIe siècle sonne le glas de la prépondérance espagnole, l'Espagne n'en reste pas moins une très grande puissance européenne. Les traités d'Utrecht et de Rastatt en 1714 ont d'autre part consacré l'Autriche comme puissance continentale. C'est dire l'importance de ces unions. Un mariage avec une étrangère est un acte diplomatique précédé par de longues, voire de très longues négociations dont il est l'aboutissement. Dans les deux cas, la France avait affaire à un ennemi héréditaire. La monarchie espagnole, qui depuis Charles Quint menaçait toutes ses frontières, des Pays-Bas en passant par la Franche-Comté et tout le long des Pyrénées, avait été l'ennemi désigné de la France durant tout le XVIe siècle et encore au XVIIe siècle, notamment, nous l'avons vu, entre 1635 et 1659. Les Bourbons régnant en Espagne, l'Autriche avait pris la place de ce premier ennemi. Aussi la tâche qui attendait ces jeunes princesses étrangères était-elle difficile. Si leur acclimatation se réalisait mal, elles pouvaient être d'emblée soupçonnées d'intelligence avec l'ennemi et n'étaient jamais, même reines et mères, à l'abri de tels soupçons. Je ne parlerai pas ce matin des cérémonies organisées à l'occasion des mariages qui présentent des traits similaires et notamment le rite du passage de la frontière dans les deux cas sur une île au milieu d'une rivière, l'île des Faisans sur la Bidassoa ou l'île des Épis sur le Rhin. Ces recherches ayant fait l'objet de recherches parfois très détaillées sur les cérémonies, les décors et les rituels. Mais j'évoquerai à grands traits les enjeux de ces mariages et les négociations qui les ont précédés, ainsi que le fardeau qui en résulta pour de très jeunes filles précipitées dans un monde souvent hostile dont elles ignoraient les règles et les usages. Anne d'Autriche, née le 21 septembre 1601, avait 14 ans. Plus mature, Marie-Thérèse, née en 1638, en avait 21. Marie-Antoinette, née le 2 novembre 1755, n'avait pas 15 ans lorsqu'elle arriva à Strasbourg le 7 mai 1770. Premier point donc, les négociations. Le mariage d'Anne d'Autriche avec le dauphin Louis fut envisagé dès la naissance des deux enfants en 1601. L'idée en avait été formulée par le pape Clément VIII, parrain de Louis. Il y eut en 1603 des négociations officieuses entre Henri IV et son fils et il l'entretint dans sa prime jeunesse dans l'idée de ce mariage. Lerma en Espagne souhaitait la paix et engageait une politique d'apaisement. 1604, paix Espagne-Angleterre. 1607, suspension d'armes aux Pays-Bas. 1609, la fameuse trêve de 12 ans. Or, en 1609, Henri IV s'allie à la Savoie contre l'Espagne et se prépare à la guerre. Sa mort, son assassinat, repoussa le conflit. Marie de Médicis, princesse italienne et catholique, se montra favorable à l'Espagne, mais sans enthousiasme, car elle n'avait pas oublié que l'Espagne avait tenté à deux reprises de contester son mariage lors des conspirations de Biron en 1602 et d'Entrague en 1605, et qu'elle avait aussi contesté les droits du dauphin à la couronne. Le rapprochement avec Madrid protégeait donc les droits du dauphin et consolidait sa propre position politique. Condé, le prince de Condé, qui refusait la régence de Marie, se réfugia dans les Pays-Bas, puis dans le Milanais, et le risque de guerre civile était grand. Villeroy, qui dirigeait la diplomatie française, soutint la régente. L'atout de Marie, c'était ses trois filles, Élisabeth, Christine et Henriette, dont l'alliance était très recherchée par l'Espagne, l'Angleterre et la Savoie. Mais l'Espagne était la première puissance à neutraliser. Marie de Médicis s'est donc engagée dans les mariages espagnols avec pour objectif de faire durer les négociations pour neutraliser l'Espagne et éviter ses interventions militaires et ses ingérences intérieures. De là des négociations qui n'en finissaient pas et qui durèrent de décembre 1610 à août 1615, tout le temps de la régence et permirent en fait de régler l'affaire de Juliet et de garder la tête haute dans l'affaire de la succession de Mantoue. Entre la décision et la concrétisation, il fallut donc 5 années. D'abord, il y eut l'examen des modalités de la double union. Les Espagnols refusaient l'infante aînée et exigeaient, en revanche, l'aînée de France, Élisabeth. Marie de Médicis ne voulait que l'infante Anne. En 1612, les différends juridiques étaient aplanis et le 26 mars, une cérémonie symbolique fut organisée dans la Grande Galerie du Louvre, suivie de fêtes grandioses en avril, place Royale à Paris. La signature des contrats eut lieu le 12 août 1612, mais la célébration seulement en novembre 1615. Entre les deux, la révolte de Condé, qui récusait ses mariages et qui engagea ce qui aurait pu tourner en guerre civile si l'Espagne n'avait pas été neutralisée. En outre, il y eut différents épisodes qui retardèrent les cérémonies, et notamment la petite vérole qui, heureusement, ne défigura pas Élisabeth, mais qui retarda aussi le calendrier. Marie de Médicis organisa ses unions par procuration à Burgos pour Anne et à Bordeaux pour Élisabeth le 15 octobre 1615. On craignait, à l'approche de la frontière, un coup de main des protestants, nombreux dans la région. Le 9 novembre eut lieu l'échange des princesses sur la Bidassoa, la célébration religieuse du mariage d'Anne d'Autriche et du jeune dauphin Louis à Bordeaux fut réalisée le 28 novembre. Marie de Médicis exigea une consommation immédiate pour éviter toute annulation future et l'annonce en fut immédiatement publiée. Ainsi, Anne d'Autriche ne pouvait plus être répudiée. Le mariage de Marie-Thérèse d'Autriche avec Louis XIV, tous deux nés en 1638 à 5 jours de distance, allait aussi de soi. Il s'agissait des deux plus brillants partis d'Europe. Anne d'Autriche, tante de la jeune infante Marie-Thérèse, avait demandé son portrait dès 1653, il fut peint par Velázquez, et la France avait envoyé à Madrid celui du jeune roi, peint par Nocret. Les négociations furent pourtant longues du fait des résistances opiniâtres de Philippe IV. Infante d'Espagne, Marie-Thérèse fut, après le décès de son frère Balthazar Carlos, son frère aîné, 1629-1646, l'héritière du trône durant 11 années entre 1646 et 1657. Le problème ne s'était pas posé du tout en ces termes pour le mariage d'Anne d'Autriche, qui était certes l'aîné, qui signa certes des renonciations, mais qui avait trois frères. Il fallait donc assurer la succession en Espagne. La fille de l'empereur Ferdinand III, Marie-Anne avait été promise à Balthazar Carlos. Celui-ci décédé, elle épousa donc le père en octobre 1649 à 15 ans. Une fille, Marguerite Thérèse, naquit en 1651. Un fils, en novembre 1657, Felipe Prosper. L'Espagne avait donc à nouveau un héritier. En décembre 1658, vint un deuxième fils qui mourut peu après, mais à cette date, les négociations du mariage étaient trop engagées pour que l'Espagne puisse reculer. La France, engagée dans la guerre contre l'Espagne depuis 1635, devait de son côté faire face à une minorité et à une longue régence, puisque Louis XIII, décédé en 1643, laissait un fils, Louis XIV, qui n'avait pas 5 ans. Elle dut faire face aussi à la Fronde, au lendemain des traités de Westphalie, qui ne réglaient que les problèmes avec l'Empire. Et cette Fronde dura entre 1648 et 1653. Le roi fut déclaré majeur en 1652, sacré en 1654, mais son pouvoir ne fut véritablement affermi qu'avec les victoires de Dunkerque et des Dunes en 1658. Or, évidemment, dans cette affaire, chacun des deux pays voulait négocier en position de force. L'Espagne était ruinée et isolée et ne pouvait attendre de secours de l'empereur Léopold Ier, lié comme il l'était par les traités de Westphalie et surtout par la Ligue du Rhin, constituée le 14 août 1658. Mazarin, de son côté, était soupçonné d'entretenir la guerre pour s'enrichir par des marchés de fourniture aux armées notamment, mais il déclarait rechercher une paix glorieuse et durable. Hugues de Lionne fut dépêché secrètement en Espagne en 1656 pour traiter avec Don Luis de Haro, mais sans espoir aucun avant la naissance de Felipe Prosper, qui n'intervint donc qu'en 1657, en novembre 1657. En 1658, Felipe Prosper avait un an. Philippe IV régnait depuis 37 ans, mais continuait de résister. Mazarin, à la manœuvre, fort de l'alliance anglaise avec Cromwell, feignit de vouloir marier Louis XIV à Marguerite de Savoie. « Esto no se puede ser y no será », déclara Philippe IV excédé, qui expédia le marquis de Pimentel négocié avec Mazarin. Il fallut quand même 7 mois de négociations secrètes, compliquées par différents épisodes, comme les amours du roi pour Marie Mancini, et de préparatifs complexes. Le 4 juin 1659, les préliminaires de paix furent signés et annonçaient à l'article 23 le mariage avec l'infante. Le cardinal devait partir dans les 15 jours pour en régler les modalités. Le 13 août, il rencontra Don Luis de Haro sur la Bidassoa, dans l'île des Faisans. Les articles du futur traité de paix furent arrêtés dans les préliminaires conclus à Paris et ratifiés par le roi d'Espagne. Les Espagnols négocièrent âprement le pardon de Condé. Mais le 7 novembre, le traité des Pyrénées fut signé et le mariage eut lieu en juin 1660. Le 2 juin, à Saint-Sébastien, Marie-Thérèse lut la renonciation solennelle, ce qui dura 1h30. Le 3 juin, le mariage par procuration eut lieu en l'église de Fontarabie. Le 4 juin, Philippe IV et Anne d'Autriche eurent une entrevue. La cérémonie officielle se déroula le dimanche 6 juin. Les deux rois se jurèrent paix et amitié. Le lundi 7 juin, l'infante quitta l'Espagne pour Saint-Jean-de-Luz. Le 8, elle revêtit l'habit à la française. Le 9, eut lieu la noce de mariage. La messe de mariage et la nuit de noces se déroula cette fois-ci dans l'intimité. 15e enfant né à Vienne le 2 novembre 1755, l'archiduchesse Marie-Antonia n'avait aucune chance d'hériter du trône. La France ne regardait pas vers l'Autriche et la précédente archiduchesse, reine de France, fut Élisabeth, épouse de Charles IX en 1570. Ce mariage a résulté en fait du renversement des alliances de 1756-57 qui avait pour objectif de garantir l'équilibre des puissances en Europe et d'empêcher le rapprochement de l'Autriche avec la Prusse et la Russie. Deux traités furent signés, le 1er mai 1756 à Jouy-en-Josas, puis le traité de Versailles, le 1er mai 1757, traité par lequel la France s'engageait, alors que la guerre de Sept Ans était déjà commencée, à intervenir en Allemagne et promettait à l'Autriche, sans réciprocité, 12 millions de florins par an, ainsi qu'une aide à tous les princes allemands de l'Empire. Cette alliance a passé immédiatement pour favoriser outrageusement l'Autriche aux dépens de la France et fut considérée comme une étape vers l'humiliation nationale. Ennemie de toujours, la maison d'Autriche continuait d'inspirer les plus vives méfiances. Le désastreux traité de Paris, qui mit fin en 1763 à la guerre de Sept Ans, a rendu cette alliance plus impopulaire encore. Les morts successives de Louis-Joseph, duc de Bourgogne en 1761, du dauphin Louis en 1765, de Marie Leczinska en 1768, précédèrent la demande de Louis XV à l'impératrice le 13 juin 1769. L'affaire fut rondement menée. En effet, l'annonce officielle du mariage par l'impératrice suivit aussitôt le 14 avril 1770 et le mariage fut organisé sur le champ avec des cérémonies en trois temps, mariage par procuration, à Vienne le 19 avril 1770 en l'église des Augustins, avec renonciation au droit de succession, la présentation solennelle à Strasbourg, à l'île des Épis le 7 mai 1770, la traversée de la Lorraine avant la rencontre avec Louis XV et son époux en forêt de Compiègne, la route vers Versailles, le mariage dans la chapelle royale le 16 mai 1770. Voyons rapidement les objectifs et les enjeux. Le double mariage espagnol pour Anne d'Autriche permettait à court terme le maintien de la paix civile. À long terme, planait la menace de la satellisation. Du point de vue dynastique, il n'y avait rien de mieux. L'Espagne était la seule non-mésalliance pour la maison de France. Il n'y eut pas en ce cas-là renversement des alliances. La France conserva ses alliés protestants et continua de financer tranquillement les provinces unies. Le rapprochement espagnol était une précaution. Il n'y eut pas de négociation d'alliance en bonne et due forme et les accords précédents furent maintenus. Les enjeux immédiats n'étaient pas minces puisque Condé, écarté de la régence, escomptait que l'Espagne contesterait les droits du dauphin. L'accord du double mariage avait été arraché au prince de sang, Condé et Soissons, qui s'était rétracté et avait pris la tête de l'opposition et de l'offensive au début 1714. Condé avait exigé la convocation des états généraux et une guerre de propagande tourna presque à la guerre civile. Désavoué par les états généraux sur la question des mariages, il avait pris les armes pour couper la route à la cour et empêcher l'échange. Du fait de Condé, la polémique s'était déchaînée. Ce double mariage avait été présenté comme une trahison de la France, des protestants et de la politique de tolérance d'Henri IV. Pour Marie de Médicis, ces mariages étaient en revanche l'instrument de la grandeur de la France, le prélude à l'union des sangs de France et d'Autriche et la promesse d'une monarchie universelle. Mais Marie de Médicis n'avait pas pour autant renoncé aux autres alliances. Elle maria sa fille Christine en Savoie et Henriette, sa fille Henriette, avec le roi d'Angleterre. Ce dernier mariage, tout aussi important, était le gage de sa bonne volonté à l'égard des protestants, auxquels elle retirait ainsi l'espoir d'une aide anglaise. Côté français, on attendait de ce mariage le maintien de la paix. la levée du contrôle espagnol sur le royaume, la liberté d'action pour la régente et, à terme, dans un futur lointain, des droits sur la couronne d'Espagne en dépit des renonciations imposées à Anne. Côté espagnol, on en attendait un alignement de la France sur l'Espagne, l'arrêt du soutien apporté aux Provinces unies, l'introduction de l'Inquisition en France et un répit pour reprendre des forces. Mais l'opinion espagnole ne s'était jamais montrée défavorable à ce mariage. Comme l'a souligné Jean-François Dubost, le calcul de Marie de Médicis était le meilleur. La France avait plus à gagner à cette union que l'Espagne, elle en tira beaucoup plus d'avantages. Mais les historiens aujourd'hui, aveuglés souvent par la propagande des princes, n'en ont pas toujours clairement pris conscience. Le mariage de Marie-Thérèse en l'église de Saint-Jean-de-Luz mettait fin, lui, à 25 années de guerre déclarée depuis 1635 et à plus de 100 ans d'hostilité. Ce mariage marquait aussi le début de la prépondérance française en Europe. Des obstacles nombreux l'avaient retardé car il engageait l'avenir de l'Espagne. Philippe IV ne voulait pas marier sa fille à son neveu, mais Anne d'Autriche était déterminée. Or, si la France s'était montrée trop exigeante, elle savait que l'infante serait mariée à Vienne avec son cousin Léopold, ce qui aboutirait à la fusion des deux branches Habsbourg. La France ne pouvait en aucun cas prendre ce risque, de là des sacrifices en Flandre pour obtenir la main de l'infante et, si possible, réserver ses droits à long terme sur la succession d'Espagne. Marie-Thérèse dut abandonner en se mariant tous ses droits. Contre la perte de cet héritage, Mazarin demanda une compensation, la fameuse dot de 500 000 écus. Alors, je précise qu'il n'y avait pas eu de dot pour le double mariage d'Anne d'Autriche et d'Élisabeth de France, puisqu'il y avait eu, l'un et l'autre avaient annulé les créances. Hugues de Lyon lia la renonciation du versement la renonciation au versement effectif de la dot. L'infante, était-il écrit, abandonne ses droits moyennant le paiement. Il y avait un calendrier de 4 échéances prévues. L'Espagne se révéla insoldable dès la première échéance, au lendemain de la consommation. En 1666, Philippe IV et Anne d'Autriche moururent. La guerre de dévolution fut engagée au nom des droits de la reine. Elle permit au traité d'Aix-la-Chapelle à la France de mettre les mains sur les places fortes occupées des Pays-Bas, Maubeuge, Valenciennes, Cambrai, Saint-Omer. En novembre 1661, Felipe Prosper décédait, mais la semaine suivante, heureusement, naquit Charles, qui vécut 39 ans. Lucien Belli a rappelé hier ce qu'il en a résulté, mais sa mort, sans descendant, ouvrit en 1700 la succession d'Espagne qui revint au petit-fils de Louis XIV grâce à ce double mariage. Marie-Antoinette fut promise à Louis-Auguste dès 1764 à 9 ans. Lors des négociations engagées par Choiseul et l'abbé de Bernis, les hommes de l'alliance autrichienne, Marie-Thérèse n'avait pas immédiatement fixé son choix, ses filles étaient nombreuses. Et elle avait même proposé en 1768, quand Louis XV était devenu veuf, Marie-Élisabeth qui avait 25 ans au roi veuf qui en avait 58. Mais ce mariage ne se fit pas et Marie-Élisabeth devint abbesse. Louis XV, pour ce mariage, a cédé à la pression du clan Pompadour-Choiseul-Bernis et surtout au parti dévot, au dauphin Louis et à son épouse Marie-Joseph de Saxe, dont la mère était morte suite aux violences provoquées par l'invasion prussienne. Mais l'Autriche ne parvint pas à faire élire le frère de la dauphine sur le trône de Pologne et les dévots abandonnèrent l'alliance autrichienne pour envisager un mariage saxon pour Louis-Auguste. Choiseul, qui venait de procéder à l'expulsion des jésuites, négocia quand même le mariage avec Marie-Antoinette. Mais ce mariage fut l'objet de dures discussions à Versailles et attisa les conflits entre les factions et notamment les dévots et Choiseul. L'alliance autrichienne fut violemment rejetée par l'opinion française et se révéla un poison mortel pour la jeune reine qui resta toujours l'autrichienne. Elle paya, on le sait, de sa vie la haine que cette alliance avait suscitée et que ses imprudences personnelles avaient entretenues. Mais en Autriche aussi, ce mariage inspirait bien des craintes et de douloureux pressentiments avaient entouré le départ de Marie-Antoinette de Vienne et l'impératrice, sa mère, semblait touchée et inquiète. En chemin pour la France, Marie-Antoinette avait croisé le cortège de sa tante paternelle, Anne-Charlotte de Lorraine, qui, comme toute sa famille, était résolument opposée à l'alliance avec la France, qui avait dépossédé ses ancêtres des duchés sur lesquels ils avaient régné près de 700 ans. Marie-Thérèse demanda à Charlotte et à Louise de Hesse-Darmstadt, amie de Marie-Antoinette, d'accompagner l'archiduchesse jusqu'à la France. Troisième point, l'épreuve de la France. L'entrée d'Anne d'Autriche et de Louis à Paris eut lieu le 16 mai 1616, après un retour compliqué, un départ de Bordeaux le 17 décembre, des routes peu sûres, la rébellion armée des princes unie aux réformés, des itinéraires modifiés, des haltes dans les places fortes. De bonne heure, Anne, fille aînée, avait été initiée au cérémonial de cour. Seul enfant durant 4 années, puisque Philippe ne naît qu'en 1605, Après la mort de la reine d'Espagne, Marguerite d'Autriche, en 1611, elle avait eu la charge de l'ensemble de la fratrie, soit 5 enfants. Si Marie de Médicis prétendait vouloir un échange rapide des princesses afin qu'elles apprennent rapidement la langue et les coutumes de leur nouveau pays, Philippe III, en revanche, ne voulait pas entendre parler d'un départ avant 12 ans. Les noces, on le sait, furent différées encore 2 années. Entre l'annonce des fiançailles à Madrid, le 2 février 1612, et la publication du double engagement, le 25 mars 1612, et le franchissement enfin de la frontière, il se passa 2 années durant lesquelles celle qu'on appelait la reine infante occupa la première place à la cour de Madrid à côté de son père. Au moment de son départ, Philippe III lui remit une instruction ou avis lui expliquant tout ce qu'elle devait faire en matière de religion et autres, servir Dieu avant toute chose, conserver en France ses dévotions espagnoles et notamment adorer le viatique en public, en matière de politique obéir au roi, même en cas de guerre contre l'Espagne, ne pas se mêler des affaires de gouvernement, ne pas oublier son ascendance Habsbourg et la maintenir à travers des liens de correspondance avec les différents membres de sa famille, y compris dans l'Empire et les Pays-Bas. On sait que cette correspondance, en 1636-37, lui valut des soupçons de trahison et qu'elle n'évita que de justesse une répudiation. La jeune reine ne put garder sa suite espagnole. Serviteurs personnels et officiers n'avaient pas été en effet inclus dans les listes au moment des négociations. En juillet 1616, la maison française de la reine comportait encore 47 Espagnols. La moitié fut renvoyée en mars 1617. Les derniers serviteurs furent expulsés en septembre 1618. Les problèmes de la jeune princesse lui vinrent non pas de son ascendance Habsbourg, mais des difficultés de Louis XIII à consommer son mariage, à l'issue notamment d'une nuit de noces publiques et cauchemardesques. Cette consommation n'eut lieu qu'en 1619, du fait des dérobades répétées de l'adolescent. Ils vinrent aussi ces problèmes de sa longue stérilité, due à ses nombreuses fausses couches et à la répulsion que les rapports charnels inspiraient au roi. Ce fut la maternité si longtemps attendue en 1638, puis la naissance d'un second fils en 1640 et son dévouement absolu à ses enfants qui lui valurent la régence à la mort du roi alors que Louis XIV n'avait pas 5 ans. Marie-Thérèse eut une enfance triste, entre deuil, défaites et banqueroute. Elle avait 6 ans à la mort de sa mère. Philippe IV était mélancolique, surtout après la mort de l'infant Balthazar Carlos. Et son éducation fut négligée et étriquée. On lui apprit piété et docilité. Elle ne reçut aucun apprentissage des langues et n'apprit pas même le français, pas même après l'accord de principe et le mariage, puisqu'il s'était passé 1 an sans qu'on ait pris le soin de lui apprendre le français. Et elle le parla toujours mal. Elle n'était pas non plus préparée à un quelconque rôle politique. La nouvelle épouse de Philippe IV, Marie-Anne d'Autriche, l'avait en effet prise en grippe et écartée de tout. À 21 ans, elle était donc ignorante, inexpérimentée, non préparée à son futur état. La galanterie dont fit montre Louis XIV lors du mariage la remplit de joie. Et l'entrée solennelle à Paris donna lieu à une gigantesque procession le 26 août 1660. Épouse ingénue, débordante de bonne volonté, elle ne connaissait ni la langue ni les usages de la cour. Elle renonça immédiatement à sa suite espagnole, sauf à son confesseur, à son médecin, à son chirurgien et à sa femme de chambre. Elle fut toute sa vie, en dépit des infidélités du roi, reconnaissante à Louis de l'avoir épousée. Elle n'eut pas accès au conseil, ni comme épouse, ni comme mère, discrète, retirée. Elle n'inspirait aucune méfiance. Elle mit au monde 6 enfants, dont seul le premier-né, le grand dauphin, vécut. Mais elle avait donné au trône un héritier et donc rempli son rôle de reine. Marie-Antoinette, elle, reçut un programme d'instruction accéléré, confié à l'Homénie de Brienne, archevêque de Toulouse. Elle eut des professeurs de français, d'histoire, de danse et arriva à Strasbourg le 7 mai 1770 en maîtrisant la langue française. Elle entrait alors dans une nouvelle vie. Au moment de quitter le Saint-Empire, tous les biens venant de son pays d'origine et même ses vêtements lui furent retirés dans un bâtiment construit en bois, donc au milieu du Rhin, entre les villes de Kehl et de Strasbourg, formant ainsi un rite de passage. Elle y entra du côté autrichien, en ressortit française. C'est alors qu'elle fit la connaissance de sa première femme d'honneur, Madame de Noailles, qui lui présenta la duchesse de Villars, sa femme d'Atours, ainsi que les comtesses de Mailly et de Tavannes, la duchesse de Piquigny et la marquise de Duras, ses secondes femmes d'honneur. À Versailles, elle resta constamment sous le regard de Vienne. Marie-Thérèse mit en place une véritable inquisition avec Mercy d'Argenteau et l'abbé Vermont. Marie-Antoinette reçut le jour de son départ un règlement à lire tous les mois, c'est-à-dire des conseils de bienséance et de bonne conduite, et une lettre dite « instruction particulière de portée plus politique ». Marie-Thérèse expliquait à la jeune archiduchesse comment régler son attitude comme étrangère, voulant absolument plaire à la nation. Marie-Thérèse se méfia du vieux roi vieillissant, des cabales des philosophes et de la capacité de sa fille à tenir son rang. Elle la bombardait de courriers. Mercy la surveillait autant qu'il la conseillait. Il expédiait des rapports quotidiens à l'impératrice. La dauphine fut tôt considérée comme le jouet de sa mère, comme une marionnette au service de Vienne. Les demandes très pressantes de la maison d'Autriche étaient doublées par la correspondance secrète de Mercy. Les fameux tibi soli, lettres particulières, informaient seule l'impératrice des moindres faits et gestes de sa fille, avec un véritable acharnement à en livrer tous les détails, sorties, rencontres, dires, réflexions, et ce jusqu'à la mort de l'impératrice en 1780. J'arrive à la conclusion. Marie-Antoinette vécut ainsi l'expérience douloureuse de la stérilité et du berceau vide, ainsi que l'humiliation des enquêtes indiscrètes sur les problèmes physiques de Louis XVI, dont son frère Joseph, à Versailles, en 1777, connu pour ses forts sentiments anti-français, s'était entretenu avec le roi et avec elle-même. La maternité, la naissance de Marie-Thérèse Charlotte, le 19 décembre 1778, transforma la princesse étrangère en reine de France, mais trop tard. Ses interventions dans les affaires publiques dans les années 1780, son soutien à Joseph II dans la succession de Bavière et dans l'affaire des Bouches de Lescaut lui valurent une méfiance accrue. De ses 4 enfants, seule sa fille aînée atteint l'âge adulte, Marie-Thérèse Charlotte. Alors pour conclure, je désirais poser 2 questions. Qu'attend-on en France d'une reine et d'autre part, que représente en France une princesse à marier? Qu'attendait-on en France d'une reine? Eh bien, on en attendait 1, voire 2 héritiers pour assurer la succession sur le trône. On attendait aussi qu'elle soit adoptée par la cour de France, qu'elle soit discrète, dévouée, pieuse et de ne pas prêter le flanc aux soupçons. Le premier point était le plus important, toutes donnèrent au moins un héritier, mais les grossesses tardives d'Anne d'Autriche et de Marie-Antoinette empoisonnèrent leur jeunesse. Qu'attendait-on en France des princesses à marier? Les considérait-on comme un atout ou comme un fardeau? On les considéra d'abord comme un atout, mais je dirais que les seules reines de France qui eurent cette politique et qui eurent véritablement une politique matrimoniale, toutes deux veuves et régentes, furent les deux reines italiennes, Catherine de Médicis, nous l'avons vu, et Marie de Médicis qui sut admirablement négocier les mariages de ses filles. En revanche, il est évident qu'Anne d'Autriche n'eut pas de fille et que celles de Marie-Thérèse décédèrent. Louis XV, en revanche, en eut beaucoup, puisque de son mariage avec Marie Leczinska, 10 enfants naquirent, dont 2 fils. Mais ces filles-là furent, dirais-je, un véritable fardeau. Une seule fut mariée, une devint religieuse, 4 restèrent sans alliance. Elles vieillirent et s'aigrirent à la cour de France et on finissait par les désigner par un numéro d'ordre. Alors je souhaiterais simplement pour finir marquer le contraste qu'il y a entre cette France de Louis XV où l'on ne sait pas quoi faire des filles et la politique de l'impératrice Marie-Thérèse qui fut extrêmement efficace pour caser tous ses enfants et ce dans les années même où était négocié le mariage de Louis-Auguste avec Marie-Antoinette. Marie-Thérèse a eu 16 enfants, dont 10 ont atteint l'âge adulte. Il y eut 2 abbesses et 1 évêque, mais elle sut les marier dans toute l'Europe catholique des années 1760. Joseph, en 1741, épousa en 1760 Isabelle de Bourbon-Parme, puis en 1765, Josepha de Bavière. Marie-Christine, née en 1742, épousa en 1766 Albert de Saxe. Charles-Joseph, né en 1745, fut fiancé à Béatrice d'Est, princesse de Modène, mais décéda en 1761. Et ce fut Ferdinand, né en 1754, qu'il épousa en 1771. Marie-Amélie, née en 1746, épousa en 1769 Ferdinand Ier, premier duc de Parme. Pierre Léopold, né en 1747, épousa en 1765 Marie-Louise d'Espagne. Jeanne Gabrielle, née en 1750, fut fiancée à Ferdinand Ier, roi des deux Siciles, mais décéda en 1762. Marie-Joseph, née en 1751, lui succéda, mais décéda aussi. Ce fut donc Marie-Caroline qui épousa le roi des deux Siciles en 1768. À Marie-Antoinette échut enfin le trône de France. Comme on le voit, la reine de Hongrie maria méthodiquement ses enfants, tissant un réseau familial sans concurrence qui, compte tenu des correspondances et des espions qu'elle entretenait, pouvait raisonnablement inquiéter les provinces voisines, et notamment la France, où l'on voyait se profiler une nouvelle recomposition de l'Europe au profit de l'Autriche. Une telle mère pondeuse, comme on la qualifiait, qui assura sans discontinuer et sans faiblesse l'exercice du pouvoir, était une chose monstrueuse pour les Français et dont Marie-Antoinette fit les frais. Dans la Société des princes, décrite par Lucien Bély, les princesses étaient de simples pions, des arguments à l'appui d'une négociation, un atout dans le jeu diplomatique, un moyen d'échange. Les études récentes ont montré que les princesses y trouvaient rarement leur compte, y compris celles qui épousaient le roi de France, l'un des partis les plus prestigieux, pour vivre dans l'une des cours les plus brillantes. Les trois destins que j'ai rapidement évoqués soulignent la dureté de la condition de reine, mais toutes trois avaient auparavant rêvé de cette alliance avant d'en découvrir les périls. Je vous remercie.